Les éditions de l'Avenir présentent Complot sur Alpa, une aventure de Carl Inouvi, adaptée du roman de Christian Martin, paru à l'origine en 1998. Ezois, dans le rôle de Carl Terob. Florence, dans le rôle de Chararine. Naf, dans le rôle de Nouvi. Johan, dans le rôle de Clara Terob. Aldor, dans le rôle de Maureen. Amy, dans le rôle de l'agent de la sécurité. Alexandre, dans le rôle du docteur, K00, dans le rôle de l'assistante du docteur, et Christian Martin à la narration. Épilogue, retrouvailles. Plus tard, dans un dôme médical pas trop loin du secret... Alors, docteur? Rassurez-vous tous les deux, vos bébés et niches vont bien. Alors pourquoi ils ne se réveillent pas? Ils sont encore sous l'effet du narcotique qu'on leur a administré. C'est dangereux pour leur vie? Non, pas la dose qu'on leur a fait prendre. Je vais quand même les garder ici jusqu'à leur réveil pour plus de sûreté. Merci, docteur. Merci, docteur. A-t-on rejoint les parents de ces jeunes gens? Non, docteur. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Mais je n'obtiens aucune réponse, ni chez les Rin, ni chez les Terob. C'est quand même étrange. Ma mère ne quitte jamais la maison. Ce qui n'est pas le cas de mon père. Chara, Carl... Comment vont les bébés Inish? Ils dorment toujours. Mais le docteur dit que ce n'est pas dangereux. Et de votre côté, quelles sont les nouvelles? Quelques membres du secret ont réussi à s'échapper. Mais nous avons réussi à capturer le plus grand nombre. Et surtout, nous avons Hélène Marsh, grâce à vous. Les premiers interrogatoires nous indiquent qu'elle était à la tête de toute cette organisation. Du moins sur Alpa. Avez-vous arrêté son assistant, le barbu au gelet? Pas encore. Il reste introuvable. Mais nous l'aurons. Nos interrogatoires des membres du secret ont révélé autre chose. Quoi? L'avalanche qui a coûté la vie à Chris Terob et à son équipe de géologues n'était pas un accident. Quoi? Apparemment, le père de Carl et son équipe ont découvert le secret alors en construction lors de leurs explorations. Il était, bien sûr, hors de question qu'on les laisse repartir pour répandre la nouvelle. Carl. Carl. Chara. Maman. Papa. Ça va, mon grand? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces heures d'enterrement? Pas les bébés. Non, Oulia et Novi vont bien. C'est autre chose. Alors? Je viens de leur annoncer que l'avalanche qui a tué Chris Terob n'était pas un accident. Les gens du secret? Oui. J'aurais dû m'en douter. Mais comment avez-vous su que nous étions ici? L'assistante du docteur disait ne pas être parvenue à vous joindre. Zena. Elle nous a tenus au courant tout au long de vos péripéties, par le lien télépathique avec Clara. Si elle ne nous avait pas ordonné de rester à l'écart... Nous serions intervenus beaucoup plus tôt. Le moment venu, elle a informé Clara de l'emplacement du secret et nous avons averti la sécurité. Nous étions déjà dans la région des Yahim, intrigués par l'émission d'un certain localisateur. Regarde, Carl. Novi s'éveille. Bonjour, mon beau. Bonjour, Carl. Je savais que tu viendrais. Mon Novi, mon tout beau, j'étais tellement malheureux, tellement seul, tellement vide sans toi. J'aurais retourné le monde pour te retrouver. Je sais. Comme tu m'as manqué. Carl? Oui, mon beau? J'ai faim. Rires.